qu'on tient debout. Si je vacille, tiens-moi encore debout. Je sens que je tombe, si je tombe. J'aimerais que tu me ramasses, j'aurais oublié la honte. Dans deux secondes, j'aurais oublié le cul par terre. Il faudra beaucoup m'aimer.